l'air d'inventer. La réalité, tu revis tes conquêtes, tes cuisants échecs réinterprétés. Imaginez, il te suffit de rêver pour avoir sans sourciller tout ce que tu rêvais à ta portée. Mais pour rêver, nous apprécions ce que la vie de nous offre. En vérité, la vie, au lieu de la rêver, tu verras, c'est pas plus compliqué. Si ta vie, au lieu de la rêver, tu verras, c'est pas plus compliqué. Sans grand succès, on compte tes réfugiés dans une prison dorée où tu es emprisonné. Tu as choisi la solution de facilité, mais tu t'es trompé, mais à trop rêver.